بسم الله الرحمن الرحيم. سندخل اليوم في باب جديد, un nouveau chapitre dans ce livre de la salat, qui est باب الصفوف, le chapitre des rangs. Le chapitre des rangs. Ce qui montre l'importance de ce fait, qui est l'alignement des rangs, chose que beaucoup de gens négligent et considèrent comme étant une chose tertiaire ou autre, pas importante. Dans les kutub de fiqh, les ulamas leur donnent un chapitre exclusif à ce titre, et plein de hadiths sont venus, ce qui montre son importance. C'est une chose à ne pas négliger, et ne pas dire ce n'est pas important. C'est important, c'est très important. Et cela rentre dans le côté disciplinaire de notre religion, que les musulmans font les choses comme elles auront été ordonnées. Et c'est une marque de grande, de hijlel envers Allah Azzawajal, que l'on fasse la salat de façon ordonnée. Que ce soit dans la salat, ou même lors des combats, lorsque les gens se trouvent en rang. طيب. يقول فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الصفوف جم صف. Donc le صفوف c'est le pluriel de صف qui est rang. والمراد هنا الصفوف في صلاة الجماعة وهي من كمال صلاة الجماعة. Et là, ce qui est voulu par là, ce sont les rangs dans la salat en groupe. Et qui est une chose qui amène à la complétitude justement de la salat en groupe. Pour la rendre plus complète, plus parfaite, l'alignement des rangs. Wa fi sahih al-Muslim, an Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fuddilna ala al-nas bi thalath. Donc il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons été préférés aux gens par trois choses. En vrai, ce sont plus que trois, mais là, dans le hadith, il cite trois choses. Jurilat soufoufuna ka soufouf malaïka. Nos rangs ont été mis comme les rangs des malaïka, des anges. Ce qui prouve que les anges se mettent en rang bien alignés également. Donc ça prouve l'importance de la chose, comme si les anges allaient faire des choses secondaires ou tertiaires et pas importantes. Et comme Akhlo Ta'ala, wa'ala yafaluna ille maroun, il ne faut que ce qui leur a été ordonné. Et ils ne désobéissent jamais à Allah, ce qui prouve que c'est une chose qui est désirée d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال وجعلت لنا الارض كلها مسجدا et que la terre c'est-à-dire nous a été mis comme lieu d'adoration, c'est-à-dire qu'on peut adorer Allah partout sur terre, faire la salat, à part dans des endroits spécifiques qu'on a déjà cités, comme dans les lieux de défection et dans les enclos des chameaux et dans les cimetières maqbara. Naam. وجعلت تربتها لنا طهورا et que justement le sol de cette terre nous a été donné comme moyen de purification si on ne trouve pas d'eau, c'est-à-dire le tayammum, les ablutions sèches. Qala fil hadith al-thamin wa sittin, 68e hadith, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sawu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamam as-salah. Donc Anas ibn Malik rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: alignez vos rangs, car l'alignement des rangs fait partie de la complétitude de la salat. Salat en groupe. فقال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أراوي أنس بن مالك سبق ترجمته في الحديث رقم 11. Donc le rapporteur c'est Anas bin Malik et sa tarjama a été citée dans le 11e hadith. يقول موضوع الحديث, le sujet du hadith, بيان حكم تسوية الصفوف, qui va démontrer le jugement quant à l'alignement des rangs dans la salat en groupe. Et comme le hadith le montre, c'est une obligation, car le Nabi sallam l'a ordonné. Yaqul fi sharh al-ijmali, l'explication globale. Yurbiru Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amara bi taswiyati as-sufuf fi salat jama'a. Donc Anas ibn Malik là nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'aligner les rangs dans la salat en groupe. وحث عليه حين بين انه مما يتمم الصلاه بالكمال والحسن. Et il a incité à faire cela du fait qu'il a démontré que cela amène à compléter la salat en groupe et à la perfectionner. لانه يكمل وحده المصلين في قيامهم بين يدي الله عز وجل. Car cela amène justement à compléter l'unité, c'est-à-dire le rassemblement des musulmans lors de leur station debout, devant Allah Azzawajal. Ils sont tous à même niveau, tous alignés sur un même rang. Donc, comme on disait au début, c'est le côté un peu disciplinaire également. Une chose qui est bien faite, ordonnée et bien agencée. Yaqul min fawaid al-hadith al-amr bi taswiyat as-sufuf fi salat al-jama'a. L'ordre d'aligner les rangs de la salat en groupe. Thaniyan anna taswiyataha min tamam as-salah wa kamaliha, le fait de qu'elle soit bien les rangs soient bien alignés de façon ordonnée, cela amène justement à compléter la salat et à la perfectionner. Elle rend meilleure, bien qu'à la base c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'un rang ne soit pas droit n'annule pas la salat en groupe, mais ça la rend meilleure. Par contre, celui qui, de lui-même, ne se met pas dans les rangs comme il se doit, étant donné qu'il s'agit là d'un ordre, il aura commis une transgression. Celui qui, en mesure de le faire, et qui ne le fait pas volontairement. Après qu'on lui ait dit, lui, il prend un péché. D'accord ? Il prend un péché. ثالثاً حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم حيث يذكر الحكم والعلة لتبين وتتبين نعم لتتبين حكمة التشريع وتنشط النفوس على الامتثال. Et là, cela montre également la sagesse du prophète صلى الله عليه وسلم dans l'enseignement, du fait qu'il montre le jugement de la chose et sa cause, afin que la sagesse de la législation puisse apparaître et cela motive les gens à obéir. Bien que cela n'a pas été fait dans toutes les conditions, dans toutes les situations, mais là ça a été le cas. Il a dit pourquoi est-ce que nos rangs doivent être alignés. Donc les gens qui sont, quant à ce côté-là, négligents, n'y prennent pas attention, ou voient que les gens qui portent trop d'importance à cela font de l'exagération, d'accord ? Ces gens-là, c'est eux qui négligent la religion. Ce sont eux qui négligent la religion et c'est leur parole qui n'est pas à prendre en compte. Ce n'est pas de l'exagération que de venir et d'aligner les rangs comme il se doit. C'est un ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela complète la salat en groupe. Naam. Et d'autres hadiths vont venir par la suite, inshallah, sur le même sujet. Fanaqtabi biyad al-qadr wa hamdulillah.